sans bague, dans ma tête des bruits de symbole. Résonne, résonne, et ne donne à voir Mars, dans Mars, Star Wars, je corps, je track. Mais bon, t'as le truc, le petit truc attaque qui fait de toi MC dynamique. Enfin, un public, bon moyen que tu déclipses, c'est que tu te casses de la scène, tu te kiffes. Pour aller foutre du torse, faut tirer sur la scène, le track, il fait le moins que de taille. Et puis t'es pas d'attaille, même si qui ne fout le why, il vit des centrailles. Alors que t'attends pour les mettre de balles, mais que t'attends, pour faire mal. La foule épouse moins présente, mais rien à foutre, vous te représente. Et dis au DJ de balancer le son, DJ fait péter le son, DJ fait péter le son. Ma conscience, on même ne passe qu'un. Sans style, sous ça, je rappe pour les femelles, les mâles, les marinades. Mon flow, mes mots, sur ce son, tout commence à sent bon. Mike, ma qui, pour son style, pour son style. Pour son style, pour son style. Les marinades, mon flow, mes mots, sur ce son, tout commence à sent bon. Ça y est, je suis marcié, lancier, rien ne peut m'arrêter. Tous les yeux sur moi sont rivés, l'atmosphère mitigée, figée, n'attendant que d'être illuminé. Tous tes fruits, pas de m'écouter, je peux pas flancher, arrêter de rapper. Je peux être étonnement, j'ai trop de choses en tête, trop d'une sécurité. Moi, je sais si c'est dur, mais je persiste sans vouloir percer. J'ai juste envie qu'on écoute à prouver mes pensées. C'est ce que je ressens, ma vie bon sang, sur un bon son. Pour ça reste enivrant. J'ai pas la culture de la street noire, mais un esprit plutôt morbide. Un tout ton poron, ça y est, je puis sans mon stylo, une feuille et un scissor. Opérant dans l'angle de coin, loin, loin, très loin. Du business des corps, je mets sur les bancs, moi approcher de mon épingle. Je brise des clichés qui s'étendent. Mike, ma qui, pour son style, pour son style, sous ça, je rappe pour les femelles, les mâles, les marinades. Mon flow, mes mots, sur ce son, tout commence à sent bon. Mike, ma qui, pour son style, pour son style. Et marinade, mon flow, mes mots sur ce son, tout commence à sent bon. Si je suis là, solo max, sur la scène, solo max, pour tout le monde comprenne. Et si je suis là, solo max, sur la scène, solo max, pour tout le monde comprenne. Que le rap est avant tout, mon hobby, ma passion qui me donne l'impression d'être en ville. Rester dans ce monde, on cherche qu'à briller. Moi, je ne veux que m'exprimer. Censé vous faire bouger la tête de haut en bas, de bas en haut, tout le monde sur la gauche, sur la droite, devant et tout au fond derrière. Mais tout au fond, y'a guère que des regards sont noirs sur moi. Comme si j'étais une proie, puis jamais les yeux, tête de haut, t'es prends sur moi. Mike, ma qui, pour son style, pour son style, sous ça, je rappe pour les femelles, les mâles, les marinades. Mon flow, mes mots, sur ce son, tout commence à sent bon. Mike, ma qui, pour son style, pour son style, pour son style, pour son style, les marinades. Mon flow, mes mots, sur ce son, tout commence à sent bon. Mike, ma qui, pour son style, pour son style, sous ça, je rappe pour les femelles, les mâles, les marinades. Mon flow, mes mots, sur ce son, tout commence à sent bon. Mike, ma qui, pour son style, pour son style, pour son style, pour son style, les marinades. Mon flow, mes mots, sur ce son, tout commence à sent bon. Je passe sur le monde, pop, pop, pop, levez les bras, pop, pop, pop, pop, de gauche à droite, tout le monde. Pop, pop, pop, pop, pop.